Fais comme ces demoiselles, elles savent ce qu'on attendait. Couche-toi, t'as le bon jour du quartier, m'tchatandem. Fais comme ces demoiselles, elles savent ce qu'on attendait. Couche-toi, t'as le bon jour du quartier, m'tchatandem. Et c'est un niquage de mes régionaliers. Un seul coq zère dans le poulailler. J'ai niqué la go, mais c'est normal, j'ai tout payé. Stress numéro uno, comme ça on va pas m'oublier. J'ai pris le jet, ma set est embouteillée. Ta carrière de chien ne vaut même pas mon mobilier. Ma voiture préférée, en vrai c'est la voiture bélier. J'ai niqué la go, mais c'est normal, j'ai tout payé. J'peux reprendre ton flow, c'est pas pas qui te l'a donné. Au serein c'est que ce soir, j'te pars sur aucun TV. Mettez au Bogota, j'pèse 3 millions de kilos, c'est à la facilite, moi j'mets en difficulté. J'nique des nerfs à 40 bis, fuck un accident de jeunesse. Will be on est sous Shao, comme les Angeles. On m'a et PNL, mettez au et de la banlieue ouest. La gora dans son hlel, rapi, rapi, t'as de l'est. Aucune infraction dans ton CV. J'mets pas de bœuf dans ma chicha, collage à droite au CV. Année du dragon négro aîné. J'n'épargne aucune maman sauf celles qui ont du aîné. Nous mou de mes ongos, bozo, tu es pardonné. Tu débris pour le Cali, à un moment donné. Sont des choses qui arrivent, petit pour un que tu es. Si j'en suis là, Zongo, c'est parce que j'ai charbonné. Gâteau, Daba, Dozo, Ouja, vous t'connais. J'suis dans l'air, pas dans le bouchon, moi pas connaître Clartonné. Ton casier est vierge, même pas une peine à ménager. Moïse ouvre la mer en deux, perso j'y serais jamais allé. Non, non, j'lâcherai pas le steak, encore moins la chicken wings. Le matin devant le miroir, j'ai la moitié tout comme Vince. Rafale de 11-43, ah, sur ce qui les skin. Le FLOW n'est pas clair, demande à qui est-il. Le niquage de mes régionaliers. Un seul coq zère dans le poulailler. J'ai niqué la go, mais c'est normal, j'ai tout payé. Stress numéro uno, comme ça on ne peut pas m'oublier. J'en suis pas les meilleurs sauf celle de Patrice Carter, on l'a joint. Daniel Santa sodomisé, j'étais au stage, roulais mon joint. J'en suis pas les meilleurs sauf celle de Patrice Carter, on l'a joint. Daniel Santa sodomisé, j'étais au stage, roulais mon joint. La piraterie n'est jamais finie, la piraterie n'est jamais finie. Ta carrière est tombée de nez, je ne fais plus quand je vais le miner. Je ne suis pas ce qu'on est miné, la piraterie n'est jamais finie.